Quand elle rentre, ça fait blop, blop, blop. J'imagine ta plastique, mes rêves s'envolent comme un sac plastique. Jalabi, Jalabi, Jalabi, ma chérie. Jalabi, Jalabi, faut qu'on fasse du wali. Jalabi, mes amis, mes ennemis, je ne sais plus qui est qui. Faut qu'on se bat, loin d'ici. Stop.